Le sommeil des trois aventureux voyageurs se fut-il peut-être indéfiniment prolongé, si un bruit inattendu ne les eut réveillés vers 7 heures du matin, le 2 décembre, 8 heures après leur départ. Ce bruit, c'était un aboiement très caractérisé. « Les chiens, ce sont les chiens !» s'écria Michel Ardan, se relevant aussitôt. « Ils ont faim !» dit Nicole. « Pardieu !» répondit Michel, « nous les avons oubliés !»« Où sont-ils ?» demanda Barbicane. On chercha, et l'on trouva l'un de ces animaux blotti sous le divan. C'était les Mamedianes. Mais sa telle ne paraissait pas. Il fallut chercher longtemps avant de le découvrir dans un des compartiments supérieurs du projectile. Il était dans un piteux état. « Nous te soignerons !» dit Michel. Ces soins donnés, les voyageurs observèrent attentivement la Terre et la Lune, puis ils dînèrent. Cependant, Barbicane procédait à son installation dans le projectile comme s'il n'eût jamais dû le quitter. On commença par vérifier l'état de la caisse à eau et de la caisse à vivres. Les vivres étaient abondants et pouvaient nourrir les trois voyageurs pendant une année entière. Quant à l'eau et à la réserve d'eau de vie, il y en avait pour les 2 mois seulement. Restait la question de l'air à l'intérieur du projectile. Il fallait absorber l'acide carbonique produit par l'expiration. Alors Nicole disposa sur le fond du projectile plusieurs récipients contenant de la potasse caustique qu'il agita pendant un certain temps. Et cette matière, très avide d'acide carbonique, l'absorba complètement et purifia ainsi l'air intérieur. Tous les instruments furent visités avec soin et reconnus bons, malgré la violence de la secousse initiale. Quant aux divers outils, aux sacs de graines variés, ils étaient à leur place dans le coin supérieur du projectile. Barbicane observa avec intérêt que ses fusées et autres artifices n'avaient pas été endommagés. Elles devaient servir à ralentir la chute du projectile. L'inspection se termina donc à la satisfaction générale.